parasite et un amas obscur, un fatras de constructions adossées les unes aux autres, des constructions qui ont été développées dans le plus grand désordre, en l'absence de concertation et en fonction des desiderata de chacun. Certains ont pu vanter sa beauté architecturale, mais elle est noircie par l'ombre du charbon, par l'usage de l'outrage du temps, l'usage des hommes et les assauts du bois. Depuis le déclenchement de la Grande Guerre patriotique, la vie des miséreux que vous êtes est devenue des plus précaires. Le quotidien est une lutte perpétuelle pour trouver de quoi subsister sa pitance. Nous l'avions évoqué, ce sont les sous organisés par les comités de salut public qui vous permettent de subsister, mais être dans le sillage des révolutionnaires n'est pas mince à faire. Et cela revêt plein de dangers pour de jeunes gens comme vous, errer sur les fortifs au risque de prendre une balle ou de tomber la nuit venue sous les avides crocs des ogres prussiques. Revêt un danger qui mérite une grande résolution pour se résoudre faute d'autres opportunités. À s'y confronter. Il y a bien les menus insectes, lorsqu'il n'y a rien d'autre à manger, ceux qui courent sur le sol crasseux, non loin du repère. Mais tout cela est bien précaire. Le temps révolutionnaire, c'est celui des temps qui changent. Des promesses d'avenir radieux pour tous ceux qui veulent bien écouter ces promesses. Vous, vous n'avez vu en travers de votre route que des pièges de toile. Tissés pour entraver votre liberté. Toutefois, vous avez à votre disposition votre ingéniosité. Non loin du repère, vous avez connaissance d'un original Anatole. Il y tient boutique, même en ces temps troubles, surtout en ces temps troubles. où l'on parle beaucoup de viande noire, de corps putréfiés laissés à l'abandon sur le champ de bataille, non loin des fortifications, après les assauts. Laissés à la faim des ogres, s'ils se risquent jusque-là, la nuit venue. Mais parfois, ils restent là à pourrir, et ces charognes embaument de leur parfum suffocant les ruelles de parasites. Votre choix, c'est vous établir dans votre repère, tenter de pousser plus avant dans les entrailles de parasites, mais vos rêves, vos songes, vous y enjoignent guère. Ou ce serait peut-être de tenter un coup, de monter un coup. La viande noire s'arrache auprès des collectionneurs. Est-ce que vous résoudrez à aller collecter de la viande noire sur le champ de bataille, ou bien encore seriez-vous tenté de vous risquer un coup chez le boutiquier Anatole? Il vous arrive de glaner de menus objets lors de vos escapades. Certains les jugeraient des larcins, mais il n'y a plus vraiment grand monde pour s'en intéresser, et puis pas vu, pas pris. Quel est votre choix donc? Qu'est-ce qui vous tente ou vous offre le plus de perspectives? Je suis plus pour la viande noire. Moi aussi. La viande noire, ça veut dire se risquer à nouveau sur la barricade? Ah non. Je préfère rester ici. Essuyer les balles, mais ici tu ne trouveras rien. Moi, Gavroche lui a fait son choix. Je disais que vous aviez échangé avec Anatole lors de Menu Larcin, et lui est parti en mission pour celui-ci et pour la révolution contre les grands. Chercher un objet. Un objet qu'il pourrait échanger obtenir bon prix et alimenter la cause. Mais votre cause, à vous, pour l'heure, elle se tient là. Ouais. Dans le bidon. Bidon, trop de bidon. Il est devenu grand, il est devenu gros, mais il est creux. Il grossit à mesure que vous ne le remplissez pas à sa suffisance. Vous avez parfois des vertiges parce que vous n'avez pas pu boire à une eau qui ne soit pas souillée et qui empeste la charogne. Bah, moi je suis pour la peau noire. Pour ? La peau noire. La viande noire? Oui. La viande noire, ça veut dire aller... la récupérer sur les cadavres. Oui. Oui. Aller découper des cadavres pour récupérer ce qui, pour vous, est de la viande noire. Après, il faut trouver preneur. Moi, c'est pour donner aux gens. Parce que j'aime pas manger sur... J'aime pas faire mon cannibale. Mais personne ne prendra de la viande souillée, de la viande noire, pour la manger. Sauf à vouloir devenir délibérément un hurleur. C'est ce condamné que de d'absorber de la viande noire. C'est se condamner à s'avilir, à abandonner sa condition d'homme. La manipuler n'est pas sans danger non plus. Oui, sauf qu'il y a des fous pour le faire. Du coup, alors, de jour, s'approcher des cadavres qu'on n'a pas été recherchés sur la tranchée perdue, c'est s'attirer les foudres des armées de parasites, des patriotes qui ne manqueront pas de vous tirer à vue. Il faut y aller de nuit, c'est de rester, mais... Mais de nuit, vous risqueriez de trouver des choses encore plus sombres. Bah on n'a pas le choix. Si, vous pourriez aussi aller vous emparer de quelques trésors que resserre la boutique d'Anatole. Certes. Ce serait peut-être un peu sabré Gavroche. Gavroche lui est parti. Oui, non, mais... En soi, nous étions relativement proches de Gavroche. Oui, mais il a annoncé tout à traque son départ. Il est parti pour le front de l'Est, là où la mitraille est la plus forte, pour aller chercher des pièces manquantes, un objet qui... est resserré justement par son commanditaire. Et c'est comme ça que vous savez qu'il y a des objets de prix. Il a parlé d'une machine à orgone. À orgone ? Une machine qui permet d'agréger l'égrégore ambiant. Qui produit une énergie fantastique, prodigieuse. Et votre ami Gavroche est convaincu que cela servirait d'évidence la cause des révolutionnaires. Oh, ouais. Gamin, comme on l'appelle sur la tranchée, est réputé un risque-tout. Sa coquinée avec Anatole n'est pas neutre. Vous aviez jamais justement. C'est pour ça que approché le dit Anatole. Il est auréolé d'un... Je suis plus partisan à récupérer de la viande noire, comme si on ne se met pas Anatole et tout ce qu'il représente éventuellement à dos. Et la viande noire, on peut toujours la revendre. Dans le pire des cas, si on n'arrive vraiment pas à trouver acheteur, on la revend comme combustible. La revendre, votre seul acheteur potentiel serait le dit Anatole. Ah oui, non, mais je n'ai pas dit. Revendre la viande noire à Anatole n'est pas exclu. Juste voler des choses à Anatole risque de nous en faire un ennemi. Ce qui n'est pas forcément bien malin aussi, non plus. La nuit. Je sais pas si les deux autres sont d'accord. Hein. Moi je suis d'accord, moi aussi. Si, ils avaient donné leur assentiment, j'exposais toutes les réflexions qui pourraient vous venir. Oui, non, mais justement, comme on a tous exposé nos points de vue, peut-être qu'avec mon point de vue, leur avis avait changé. Vous attendez que la nuit se soit installée? Vous êtes approché de la barricade où s'est risqué votre ami quelques jours auparavant. Les communards ont la réputation de s'assurer que les Prussiques ne s'installent pas en saccageant, en sabotant leurs installations lorsqu'ils doivent laisser du terrain. Ce ne sont pas des sapeurs, c'est pas une armée organisée comme celle des Prusses. Mais ils sont tout aussi déterminés à ne lâcher aucun pouce de terrain. Et donc, qu'est-ce qui vous permettra de dissiper les ténèbres une fois que vous glisserez dans la nuit? Pour vous repérer dans la tranchée, car vous savez qu'il y a des pièges. Une lampe. Aurais-tu ça, partenaire toi? Non. Est-ce que t'as une lampe? Oui, dans ma poche. Ouais, t'aimerais bien avoir une lampe, mais tu n'en as pas. Mais si. Tu es convaincu d'avoir une lampe, c'est pour ça que tu es déjà au seuil de la tranchée, mais tu n'en as pas. Tu en étais convaincu, mais tu as oublié que tu l'avais échangé avec Maximilien. Contre ton superbe casou. C'est mon casou. Ben oui, maintenant c'est le tien, mais t'as bien fallu. Ben, je vais le rééchanger. Tu veux rééchanger. Il est bien tard, vous êtes sur les lieux. Toi, as-tu prévu un dispositif Gaëtan? J'en ai pas, mais on peut très bien emprunter l'une des lanternes de garde du soldat et lui rendre après notre excursion. Tu as la demandé. Ah non, non, quand je parlais d'emprunter, c'est-à-dire. La chaparder. Comme je prends cette statue, je vais faire mon affaire avec, peu importe ce que c'est, et je la rapporte après. Discrètement. C'est l'idée. Donc en soi, ce n'est pas un vol, c'est un emprunt à durée indéterminée. Mmh. Oui, dit comme ça, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui t'explique que c'est pas du vol alors que c'en est, mais t'as compris l'idée. Oui. Tu es coutumier du fait d'emprunter la soldatesque ce dont tu as besoin. Malheureusement, oui. C'est pas nous qui prends si tu te fais trouver par les. Bon, vous êtes avec moi. J'ai une meilleure solution? Non. Voilà. Oui. Qu'on prenne pas de lampe. Ouais, bien sûr. Super solution. Tu vas te faire sans lampe, moi je reste avec lui, moi, ok? Bah, moi j'ai pas envie de me faire fusiller. Alors, comment vous y prenez-vous pour vous emparer d'une lampe? Les gardes sont probablement, certainement pas tous assidus. Bah, ils sont assis tous autour de leur feu de camp, derrière la barricade qu'ils gardent. Il y a un tas d'affaires, je présume. Bah, ils ont leur paquetage qui sont posés à côté du feu. Ils sont tous autour de leur paquetage, yes. Voilà. Ah non. Il n'y en a pas un qui est éloigné. Je peux les distraire. Donc tu proposes toi de les distraire. Comment? Je ne sais pas. Comment envisages-tu de les distraire? Ça va rien faire du tout. Ton caillou, je sais pas, lance un caillou déjà, c'est pas. Un cool. Caillou, oui. Il y a plein de cailloux par terre. Tu balances les cailloux sur. Sur la garde, dans le feu, en vrai dans le feu, ça pourrait peut-être plus les embêter. Mais lance dans le feu. Intrigué par ton manège, il cherche à voir d'où proviennent les tirs et toi tu cherches à t'emparer ouais, bah, du coup, dans la confusion. Donc je prends une, peu importe, je m'en fous, j'en prends une et on se barre, on la rendra plus tard. Non, c'est la mauvaise marque. Quoi? c'est la mauvaise marque. Vite. Faut une lampe Nike. Non, arrête, ça n'existe pas. Je sais. Si ça existe, j'en veux pas. Je sais pas pourquoi tu sens un peu. Une Adidas. l'évidence, votre tentative est quoique coutumière et toujours hasardeuse. D'ordinaire, vous vous faites proprement rosser, mais là, sur... sur un point de garde aussi sensible qu'est la barricade, le risque serait que il vous mette au cachot ou quelque chose de cet ordre. En même temps, si on veut s'en sortir, on n'a pas vraiment d'autre choix. C'est ton analyse. Donc tu restes déterminé. Moi, je leur kidnappe une lampe, je leur rends plus tard. Ça t'angoisse pas de les voir s'agiter Moi, je reste... dans l'ombre. On a bien compris que tu voulais le faire sans lampe. Enfin, je reste avec eux. Je me reste dans l'ombre, mais près d'eux pour éviter de me faire trouver. Tu restes à portée du... Bah oui, vu qu'il a une lampe. Quoi ? Toi, t'as une lampe. Bah encore, on sait pas si j'ai réussi à lâcher parler. Ah, j'ai rien dit. Ok, donc vous avez 3. On fait les difficultés. Il faut lancer un des quoi ? Un des 6. Attention. Faut atteindre ou faut... Courir. Faut être en dessous ou l'atteindre ? Ou le dépasser, le seuil de réussite ? À mon avis... dépasser, je pense. Ah oui, non, mais des fois c'est dépasser ou égal. Donc est-ce que là ça passe? Parce que j'ai fait 3 piles justement. Donc la question se pose. Normalement c'est bon. Je sais pas. Donc je préfère. La dernière fois on avait fait inférieur ou égal au seuil de réussite. Donc c'est bon. Vous subtilisez. Pour ta part. Très inquiète qu'ils ne finissent par te repérer. Au moment où l'un d'eux s'est dressé dans ta direction et a porté son regard directement dans tes yeux, et tu étais convaincu qu'il t'avait vu. Eh ben non. Mais un autre bruit l'a fait tressaillir. Quoi? Merci. Je fais quoi? Connecte deux neurones, à ton avis. C'est qui a... De l'autre côté... Ah, j'arrive pas à les connecter. De l'autre côté du feu. Ce qui n'a pas révélé non plus l'endroit par lequel s'était coulé en pleine lumière votre ami Gaëtan, qui s'est emparé d'une lanterne éteinte et posté une vieille lampe du temps jadis, une de ces lanternes qui fonctionne à l'égrégore, et vous vous coulez et vous rassemblez un peu plus loin, hors d'haleine, soulagé d'avoir récupéré de quoi vous éclairer. Et apercevoir les pièges qu'auront dissipé les gardes, laissés sur place les gardes. Ça ressemble à quoi des pièges? À ton avis? Je sais pas. Quelle sorte de piège? Quelle sorte de pièges peuvent mettre les gardes? Est-ce que tu as observé des cela? Des mines. Des mines? Des pièges à loups. Des pièges à loups, oui. Il y a des pièges des à loups pièges qui à sont... Ours. C'est la même chose. Piège à loup, piège à ours, peu importe. C'est juste c'est la juste... taille et la mâchoire qui... Oui. Pour compte tenu de ton corps fluet... Pour caricaturer, tu vois un dentier? Bah t'imagines que c'est juste... Il est grand ouvert, au sol, en métal, avec des dents pointues, tout du long. Et que quand tu marches dessus, slatch. Et il y a une pédale au milieu, et si tu marches dessus... Oui, voilà, t'as un déclencheur qui peut être une pédale. Tu n'as plus de jambes. Tu rentres... À ce moment-là, même si t'es trop petit, t'as plus de tête. Oui. Vu nos tailles, c'est plus ça, hein, si j'ai bien suivi. Mais disons qu'un piège à ours arracherait tes chairs et pénétrerait les chairs et le muscle pour atteindre probablement l'os. Ah. Donc j'aurais le tétanos. Non. Tu n'aurais pas survécu, je pense. De toute façon, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà. Soyons réalistes, hein. Oui, très. Oui. Je suis désolée de t'apprendre ça. Tu as le tétanos. Vous êtes assuré de votre source d'éclairage. Vous avez triomphé de la surveillance du comité de vigilance. Une fois de plus, cette fois-ci, pas pour chaparder des miettes, mais pour leur emprunter leur lumière, ils s'en rendront bien vite compte et leur restituer sera tout aussi difficile. Peut-être renonceras-tu à le faire, Gaëtan. Pourquoi faire ? On a commencé à bouger nos fesses. On va pas s'arrêter là, ça n'a aucun sens. Mais une fois votre mission accomplie, une fois que vous serez assuré d'avoir cette viande dehors là, vous êtes renseigné sur la viande noire, je suppose. Un minimum. Déjà, on sait qu'elle vaut un minimum d'argent, sinon t'aurais pas évoqué. Un minimum de prix. Oui, non, mais qu'on soit en troc ou en argent classique, qu'elle a une valeur minimale. C'est l'idée. Peu importe quelle est sa valeur, hein, on verra bien sur le moment. Donc on sait qu'elle a une valeur minimale, et puis on sait qu'elle se récupère sur les orlas, et qu'elle peut avoir des effets néfastes. Non, sur elle ne se récupère pas sur les orlas. Oui, pardon. Elle met des charognes. Sur les morts. J'allais dire Machiavé, mais... Sur les morts. Elle se récupère sur les morts, oui. Et sa consommation est... Pas proscrite, comme, mais presque. Comme Marie la procure de ta main droite. De ta main droite, tu tires une lame. J'en tire une aussi. Oh yes. C'est ton tour. Oh yes, forcément quand c'est mon tour, je tire la faucheuse. Ouais, bah moi aussi. J'ai déjà tiré la faucheuse. Oui, non mais là t'as tiré tempérance, le jugement et papa a tiré le pendu. Ça va, hein? C'est moi qui ai tiré la faucheuse. Allez, je fauche qui? Suivant. Pas moi. Ah, remarque, c'est un peu ce qu'on va faire. Hein. On va faucher la viande noire. Ouais, je crois qu'on paraît des morts à un champ de blé. Tout va bien. Tout va bien. Bah quoi? La faucheuse. C'est la faucheuse. Elle aura pas envie. Elle fauche des âmes. Et elle fauche. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Prochaine partie, faire donc, des références à la petite je mort. Suis il est pendu, je suis mort. Bah non. C'est lui, VS, non. Cette fois, j'ai eu de la chance. Mais il me semble que l'ordre importe aussi. Donc, ça se trouve, cette combinaison est malchanceuse. J'espère. Malchanceuse. Chanceuse. Ça va, on n'a pas. Ce que je t'avais demandé de la mettre de tirer la lame de ta main droite, tu l'as tirée de la main gauche. Quoi, c'est grave. Ça influe. Ça influe donc. La main gauche a plus de chance que la main droite. Non, c'est juste que en fonction de avec quelle main tu tires, tu dois la placer à X ou X endroit et de telle ou telle façon. Et la position et la façon et son orientation influe sur le résultat. Comment vous coulez-vous, Gaëtan? De fait, tu es le chef de la mission, puisque c'est toi qui as proposé... Oui, c'est sûrement moi qui ai la lampe, donc je suis en tête, enfin l'éclairé tout gros. À quel moment choisis-tu de dissiper la ténèbre? À partir du moment où je pense qu'il peut y avoir des pièges. Et à ton sentiment, c'est dès l'entrée dans la tranchée? On a le droit à 2-3 mètres. 2-3 mètres dans l'obscurité. Pas plus. Et encore 2-3 mètres, c'est peut-être risqué. Donc 2-3 mètres, on avance très prudemment. Et ensuite seulement on allume la lampe. Et qu'entends-tu par avancer très prudemment? Bah, on avance. On regarde dans la limite du possible. Et dès qu'on sent un truc étrange, on communique. Et tu te glisses-tu seul dans la tranchée en éclaireur? Oui. Alors, avant d'allumer la lampe, il bouge pas. Vous le laissez se couler dans l'obscurité, dans la pénombre de la tranchée. C'est plus haut que vous. Une fois descendu dans celle-ci, par l'une des volets de marche qui ont été ménagées, des échelles de bois qui descendent, vous n'avez pas moyen, en cours de route, dans le boyau, de remonter. Vous y trouvez confiné. Autour de vous, ce n'est pas le silence, c'est une nuit habitée. Tout autour de vous, ce sont des bruissements. Au loin, vous entendez l'écho des voix de la garde. Le guet, tout en émoi, qui a découvert qu'on lui a dérobé une lampe qui peste. Des conversations qui fusent sur la tranchée. Puis, trouvant la nuit, un tir sporadique au loin. L'écho du canon, plus loin encore, sur la pointe du front. Côté des 93. Ici, dans l'amoncellement de ruines offertes à la voracité du bois, dans un entrelacs de ronces qui s'accrochent à vos vêtements, à vos guenilles, et manque de te rendre sans culotte. Elinan. Mais tu gardes fièrement ton tricorne sur la tête et un vestige de pantalon tout troué et arraché. Mais vous progressez dans cet amas végétal exubérant, drapé de nuit, bruissant d'insectes, des mouches nombreuses qui vous signalent la présence de corps, mais l'odeur était venue jusqu'à vous bien avant, à mesure que vous approchiez de la trouée. Des corps que la mort a déjà conquis depuis belle lurette et qui appartiennent presque à l'humus dont se repaît le bois, probablement mûr pour que qu'éclose quelques viandes noires dans ce purin providentiel qu'a laissé la bataille de parasites. Tu te glisses dans le noir. L'obscurité est totale. Le huitième échelon franchi. Comment vas-tu découper la viande noire? À quoi songes-tu en descendant ces échelons, Gaëtan? Ne crains-tu pas de renoncer au toucher de cette chair grouillante. On n'a pas le choix. D'asticot. Nécessité fait loi, alors ? Malheureusement. Cela te répugne ? Un peu. Est-ce que ça dissipe ta concentration ou la peur ? Légèrement, mais pas de manière significative. Qu'est-ce qui domine en toi ? La répugnance à la nécessité de la chose. De la... Étant répugné par la chose, je tente de me masquer mentalement cette répugnance. Dit comme ça, c'est très bizarre. Avec ce que ça peut m'apporter. Que ça pourra nous permettre de vivre, tout simplement. À quoi t'accroches-tu ? Quelle est ta lueur d'espoir qui te permet d'envisager cet avenir ? Tout simplement comme notre cher... Gavroche. Comme ce cher Gavroche, de pouvoir avoir un but, de pouvoir vivre et pas juste survivre. Est-ce que tu aurais fini par être convaincu par ces promesses de lendemain qui chantent ? Absolument pas. Mais juste trouver un but et ma prochaine mission. Là, pour l'instant, il me faut survivre afin de trouver un but pour vivre. Et si on n'arrive pas à survivre, si on n'avait pas de quoi vivre... Et qu'est-ce qui, dans ton passé, te fait croire en ce but ? Ne viens-tu pas de l'étreindre ? De la toucher, ta nénette ? Si, pouvoir par exemple refaire ce genre de choses. Que ce ne soit pas juste les biens de première nécessité qui s'échangent. Quoi ? Le Gavroche aurait dit c'est pas une nénette, c'est un rintintin. Peu T'as importe. Bien ça en tête, oui. Peu importe, mais que. Mais avec la voix nénette, d'un tricorne qui te claironne aux oreilles, cela. Ce rintintin ou cette nénette, peu importe, c'est un symbole. C'est juste. Ça permet de montrer que on n'est pas que bon à se débrouiller avec des objets de première nécessité. Du coup, le but, ce serait de vous construire votre propre avenir. C'est ça. Avec autre chose que des biens de première nécessité. Sans forcément que ce soit des produits de luxe, mais pas que de première nécessité. Maintenant, tu es au cœur de la nuit, de la tranchée. Bah, du coup, il n'y a plus que les insectes, le bois qui ploie, gémit, le bois mort des échelons sous ton poids. Tu descends encore quelques échelons et tu es maintenant dans la boue mêlé du sang figé des morts tombés au champ d'honneur. Là, les insectes vrombissent tout autour de toi. L'odeur est suffocante. Allumes-tu ta torche ? Oui, ça répand. Juste devant tes pieds... Émergeant au milieu des ronces, tu vois la mâchoire d'un immense piège à ours. J'ai bien fait. Et je l'évite soigneusement. Vous avez vu un halo troué la nuit, un léger halo qui semble flotter tel un feu follet à la limite de l'endroit où vous avez vu disparaître la silhouette de votre ami. Vous savez qu'il est arrivé et que vous devez le rejoindre pour accomplir votre tâche. Qu'est-ce qui t'enjoint à descendre au fond du trou, là où tant d'hommes sont morts dans la bataille, Tricorne? Je me dis que c'est pour notre vie. Que si on a cette viande, on peut survivre. Un peu plus. Quoi? Un peu plus, sans trop d'espoir au-delà. Et toi, Marie, en descendant les échelons, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu songes trouver en dehors des pièges qu'ont évoqués tes compagnons d'infortune? J'espère trouver la viande noire qu'on a besoin pour peut-être nous aider à vivre un peu plus longtemps. Non, ton esprit fou. La vision qu'a mon personnage entre la différence de vivre et survivre, vous êtes absolument obligé de la voir. Mmh. C'est juste une réflexion interne, il l'a pas dit. Vu que vous employez les mêmes termes que moi, ça prête à confusion, du coup je préfère préciser. Voilà, fin de mon commentaire en esprit fou. Vous avancez, vous êtes maintenant tous les trois dans la tranchée. Il y a des cadavres entremêlés, un peu plus loin, derrière un buisson touffu de ronces et de fougères arborescentes qui tracent. Et aussi, sous le vent, il y a des... plein de coléoptères noirs qui courent sur le sol, des coléoptères qui ont la taille de votre pouce et qui courent sur les chairs à demi dévorées. Des vers blancs émergent par endroits et au milieu de l'amas de chair putréfiée, certaines fougères émergent, tandis qu'un peu plus loin, une dépouille adossée vous faisant face, tenant encore son fusil sur lequel est emmanchée sa baïonnette, et tout en mailloté d'un cocon gris luisant sous la lueur faible de votre lampe. Lueur vacillante et qui là prend de la vigueur. Elle change, elle oscille l'intensité en fonction de vos mouvements et là elle s'est calée. Elle diffuse une intense clarté qui illumine le cadavre tout engossé dans son cocon gris argenté. Derrière lui, tout autour de lui, il y a de grandes fougères arborescentes. Chacune prend racine dans les entrailles de l'une des dépouilles qui gît au fond de cette tranchée. Faites-vous. On est venu récupérer de la viande noire. On progresse pour aller en trouver. La présence de ces toiles ne vous évoque-t-elle rien? Malheureusement, si, j'essaie de pas y penser. Ça te pile pas, toi, Tricorne, de voir ces cadavres emmaillotés dans une toile grise, luisante? Ça me fait peur. Est-ce que tu te résous à avancer et à suivre ton ami? Oui. Qu'est-ce qui te pousse à avancer? C'est la peur de te retrouver seul dans le noir? Oui. Vous restez groupés. Toi aussi, Marie, tu suis le mouvement? Oui. C'est un peu moi qui l'ai initié, le mouvement. Donc, je peux pas suivre le mouvement que j'ai moi-même initié. Et quel cadavre choisissez-vous? Peu importe. Honnêtement, celui... Je sais pas, peu importe, j'en prends au pif. Le but c'est de récupérer de la viande noire. On les traitera tous, si possible. Si on n'a pas trop de viande noire à traiter. Bah, Tu vas prendre... Du coup, le cadavre le plus proche, vu que c'est... Le plus proche. Ceux qui sont plus proches de toi, le premier qui te vient, il est tout entier, il n'y a quasiment plus... Il n'y a plus de verre, plus de chair. Il y a simplement un amas végétal. Tu devines qu'il y a encore au niveau de la cage thoracique. Alors, encore de la chair. Oui, mais non. À découper. Ah oui, bah si, allez. Tu choisis de découper ce qui reste. Bah ouais. On va traiter méthodiquement, cadavre par cadavre. Tu commences ton... Ouais, c'est bien. Ton canif entre... profondément dans les chairs, sans résistance, elles sont faciles à pénétrer, faciles à ce que ton couteau rentre dedans, mais bientôt il est arrêté par quelque chose qui lui résiste, qui refuse le passage de la lame. La lame bute sur une matière élastique qui retient la chair au sol. Il y a un entrelac de rhizome qui est imbriqué dans les chairs. Quoi ? Rhizome. Il me semble, on va tout de suite si j'ai tort, moi il m'a hésité, c'est pas l'un des modes de reproduction végétaux comme ceux qui se reproduisent avec les bulbes, d'autres par spore. Rhizome, il me semble que c'est une racine souterraine. C'est une racine qui se développe sous le sol, oui. En gros, le principe, t'as une plante, et quand elle veut s'étendre, elle va déployer une racine souterraine, et... Elle va développer un clone d'elle-même un peu plus loin. Et il y aura un clone plus loin, qui va faire exactement la même chose. Pour qu'elle reste capturée... colonisation. Ça peut être vu comme ça. Pour caricaturer... est-ce qu'on a un exemple de plante avec rhizome dans le coin? Bah oui, tu vois dans les aquariums, t'as plein de petites plantes au-dessus. Et ben, on les voit les racines. Bah t'as qu'à juste à imaginer que la plante, au lieu que ses racines elles soient dans la flotte, bah t'as la partie du dessus qui est dans la terre et les racines sous terre. Pour caricaturer très grossièrement. Hein. S'il y a vraiment un biologiste qui m'entend, il va me taper. Non, parce que c'était un très gros raccourci, mais au moins ça permet de voir à quoi ça ressemble. Ou au moins de se l'imaginer. Bah en fait, je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire le parallèle avec une liane, en fait. Bref, désolé. Et lorsque tu... avec résolution, tu tentes d'attaquer le rhizome qui te résiste, élastique, vous entendez tout autour de vous un bruissement dans les fougères. Comme des sifflements d'innombrables petites voix qui viennent jusqu'à vous. Que faites-vous? Je termine mon office. On va peut-être se contenter. Tu tranches résolument le rhizome. Je récupère tout et ayant moi-même peur et voyant vos gueules je sais pas vous comment entendez. Dire. J'imagine que vous montrez le fait que vous avez peur. Non, je prends un bâton et je le rejette dessus. Non, je gagne. Oui, non, mais je veux dire, vous intériorisez pas, vous restez pas comme d'habitude. T'es bien? Oui, non, mais je préfère demander confirmation avant d'attaquer. Alors, que nous dit Tricorne? Il y a des trucs. Quand tu dis cela, t'entends des cailloux qui tombent au sol. Comme les cailloux qu'avait jeté Marie plus tôt. Oh. Qui tombent près de toi, dans la ravine, et qui viennent dans la boue, mais tu les as entendus ricocher le long du remblai qui étayaient la tranchée, des remblais de bois qui empêchaient que la tranchée ne se disloque sous l'effet des pluies. Il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir juste au-dessus. Juste à votre hauteur. Du coup, est-ce que j'ai fini de tout récupérer personnellement sur ce cadavre? Sur ce cadavre. Eh bien, je vais proposer une technique ancestrale extrêmement courageuse. Fuite. Moi, vous j'étais fuyez là dans première. Quelle direction? Direction des tranchées. Vous êtes dans la tranchée. Oui, vous non. Revenez par où vous êtes. Oui, c'est ça. Voilà, on retourne d'où l'on vient. Oui. Mais prudemment, on va quand même attention. On l'a vu, il y a des mâchoires un peu partout. Oh oui, mais comment on fait pour courir du coup? Bah, en fait, tu cours pas, tu marches vite. Ah, mais ça se trouve, ça va nous rattraper. Tricorne, que ferait-il pour surmonter sa peur? Il fuirait, il ne resterait pas sur place. On a un groupe de fuyards. Est-ce que la peur, la bile qui lui monte, la noire bile qui lui monte en lui, le fige de peur et il reste sur place dans le noir? Non. Il avance. Vous avancez et lorsque tu mets la main sur le premier échelon, tu aperçois juste au-dessus deux pattes posées sur l'échelon. Est-ce que je sais s'il y a une sortie proche? Ou est-ce que je vois une sortie proche? L'autre. Moi, l'autre issue, je vous l'avais dit, c'est un goulet. C'est de s'éloigner. D'accord, donc il n'y a pas vraiment d'autre sortie. J'ai un canif, non? On peut passer sous ses pattes? Le canif, oui. Techniquement, d'un mouvement vif, je peux trancher deux pattes que je vois. Oui. Est-ce que tu aurais la force, le muscle? Mais avec sa peur, déjà. Peut-être que ma peur peut avoir un effet bénéfique sur une action spontanée. Parce que je ne sais, et puis je n'ai pas défini la force. Je ne sais pas s'il y a un seuil. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là? Lui, il vous protège. Moi, je me colle à lui. Tu te colles à lui? Dans ma paralysie. Et que fais-tu? Que fais-tu? Tu as trop peur pour faire quoi que ce soit? D'accord. Moi j'essaye de voir s'il y a une pierre à proximité pour voir à peu près la taille du spécimen. Une pierre. Et je lui lance dessus pour voir à peu près où il est. Tu lui jettes une pierre dessus? Oui. D'accord. À peu près où il est. Ok. Repéré. Du coup, je pense que pour considérer le jet que j'ai lancé tout à l'heure, ce sera plus équilibré. Peu importe si le résultat est bénéfique ou négatif, je m'en fiche. Quel est ton déjà vu? Quels sont tes déjà vus sur ta feuille mantra? Feuille mantra, c'est laquelle? Celle-là, ah oui. Déjà vu. Je sais jouer au dé, je sais bluffer, je sais faire le pas sur le côté. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous définisse ça. Je vous préciserai dans le débrief d'où est-ce que je l'ai tiré. Le pas sur le côté, c'est ce qu'on peut appeler une téléportation. Ça prend du temps et ça te déplace en contrepartie, tu attends X temps. Je l'ai modifié par rapport à l'original, histoire que ce soit pas n'importe quoi non plus. Tu as le choix de porter ton coup au risque que, puisque tu tentes de ton petit canif d'entailler la chitine dure d'un insecte beaucoup plus grand là, que toi. Là, pour le coup, j'ai déjà dit que j'attaquais. Je n'ai pas plus réfléchi, mais je tiens à préciser que le pas sur le côté, ça peut être fait aux personnes, à ton corps à corps. Mais du coup, j'ai modifié la performance. Normalement, c'est instantané. Mais là, l'idée, c'est que ça prenne le temps que ça t'aurait pris pour te déplacer physiquement pour la téléportation. Donc, si tu veux, par exemple, te téléporter à l'autre bout de la ville, si tu aurais mis 20 minutes pour y aller, tu mets 20 minutes. Tu réapparais 20 minutes plus tard. ça te convient ou mm-hmm. ça t'embête? Donc tu fais ton action ou tu utilises ton déjà vu? Je fais mon. J'ai amorcé le canif. D'accord. Je termine le canif. Donc tu tapes de toutes tes forces dessus. J'avais qu'à y penser si je voulais l'utiliser. Voilà. D'accord. T'es seul dans l'action. Et puis c'est plus logique par rapport à mon personnage. T'as pas un de tes objets fétiches, mais un objet de substitution. Donc ton seuil il est de 1. Bon bah j'ai joué. Après on voit le... la marge. T'as fait combien? 2. Le seuil est de 1. Ça va? Non? Bah... Faut être pile ou dépassé? Il me semble que c'est pile ou inférieur. Ah bah tu peux pas faire inférieur. Mais je pense que c'est supérieur parce qu'avant je on sais avait plus, fait c'est, supérieur c'est, et ça avait fait c'est pile et inférieur ou pile et supérieur? Avant c'était pile et inférieur. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Pour le seuil de réussite 3, il fallait faire 1, 2 ou 3. Mmh. Ah, voilà, donc 1, voilà. Justement, c'est extrêmement dur. À part dire si tu pipes que... le B, le D. Alors, oui, non, mais le piper après l'avoir lancé, ça sert un peu à rien. Oui, Monsieur Piper de D. Alors oui, mais malheureusement, ça s'applique qu'en jeu, pas sur le dé réel. Bah tu t'avais qu'à le couper. Attends, on fait une partie de dé. Si tu je gagne, tu ne manges pas. Un simple jeu de hasard. Non, si c'était ça, on serait parti depuis longtemps. J'avais qu'à proposer à l'araignée de jouer à un simple jeu de hasard. Ouais, voilà. Le gagnant a le droit de partir. Ou a le droit de manger. L'autre, oui, voilà, le gagnant fait ce qu'il veut. Et le perdant doit se laisser faire. Bah, sinon c'est pas drôle. Oui. J'ai comme ça fait très bizarre. Bref, peu importe. Et ça sera plus simple si c'était ça. Non, non. C'est donc, tu vas être confronté, puisque tu as... Il a mangé un maquis. C'est une réussite douloureuse. Donc une réussite douloureuse implique que tu te confrontes à la table des douleurs. Un nouveau jet de dé t'est demandé. Comment te dire que... 6. Yes. Là tu es plus que... On avait dit qu'il mourrait déjà. Je crois que c'était moi, non? Moi je suis à l'autre bout. Moi je suis en Afrique du Sud. Moi je suis loin. Je suis parti. Je suis sur la lune. Ouais, voilà, moi je suis à l'abri, moi. Je suis derrière le bavier. Et donc tu donnes un grand coup de ton canif qui rebondit sur la chitine. Non. À ta surprise, car tu avais donné toute la force dans ton geste, et tu vois surgir dans une douleur éblouissante l'appendice de l'araignée des frondaisons qui se tapissait, qui vous suivait depuis la hauteur du remblai, qui vient te percer en plein dans le cou. Et te cloue à la paroi, tu défailles. Vous voyez votre ami tressauter, lâcher son canif. T'étais juste à côté, que fais-tu? Je pars en courant. Dans l'autre sens. J'aurais de jouer. Que fais-tu, Marie? Je peux pas aller le chercher, son... Tu peux ramasser son canif, oui. Et qu'est-ce que je vais faire Il a encore dans la main le ballon. Je ramasse son canif, vu que j'ai une force naturelle, surnaturelle dans mon pouvoir. Oui. Je coupe l'araignée. Tu transperces la carapace de l'araignée de ton... Oh, voilà. Tu rayes ton déjà vu avec le crayon. Il est où? Même si j'ai essayé, techniquement les deux personnes sont à mon contact là, non? Bah ils sont arrivés Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon déjà vu? Non. Même si j'ai tressailli? Non. Merde, pour une fois que je pouvais l'utiliser. Non, parce que là c'est un coup fatal. J'avais bien saisi. Il est mort. Je voulais juste savoir. Non, ça veut dire que je pourrais remettre un pouvoir du genre soigner les morts. Alors, juste. Redonner la vie. C'est, non, c'est des faux. Il y a une caricature dans plusieurs films où la personne a le droit à une dernière action. Par exemple, je prends le loup-garou. Dans le loup-garou, t'as la carte le chasseur. Il a le droit de tuer quelqu'un après être mort. En dernier geste. C'était pour savoir si. Je déteste mon tirage. Hein. Tu sais que je me déteste profondément. Je me hais si profondément. Vous avez remarqué qu'on est exactement dans la disposition... Oui, habituelle. Non, et moi, j'avais tiré quoi? Alors. J'avais tiré ça. Le jugement. J'ai jugé l'araignée? Non, le jugement, c'est Alexandre qui l'a tiré. Ah. Quoi? Non, elle avait tiré la tempérance. Donc toi, ça avait fait ça. Toi, tu avais tiré le jugement. C'est toi qui as tiré le pendu, moi la faucheuse et Xavier le jugement. Donc moi j'ai jugé sur l'araignée. Sur le fait que elle a fait un crime. Son personnage allait souffrir et disparaître. Et donc. Moi je peux pas redonner la vie aux morts. Tu ne l'as pas dans tes déjà vus. C'est pas l'un de ceux que tu as noté. En revanche, donc. Mathieu. Donc, tu t'es emparé du canif. Je reviens sur... Elinan, Tricorne, tu as bondi rageusement, tu as planté le canif dans le... dans la tête qui s'était approchée dans un mouvement vorace et tu plantes jusqu'à la garde le canif entre les huit yeux qui luisaient dans l'obscurité. Tu entends un sifflement suraigu. Par la force de l'insecte, de l'arachnide, le canif t'est arraché des mains. L'arachnide bondit, remonte précipitamment en sifflant, vociférant au-dessus de l'échelon. Votre ami s'écroule, il est tout blême. Non, il est mort. Il est tout blême et il a la bouche entrouverte. Il s'apprêtait manifestement à pousser un cri, mais vous voyez sa bouche s'agiter, c'est... Elle était entrouverte et elle s'ouvre. Et là, vous voyez jaillir une araignée. Oh. Cadeau. T'as vomi. Je suis la sœur tisseuse. Suis-moi. Non. Suis-moi, je connais le chemin. Elle me l'a enseigné. Retourne dans la bouche. Je connais la voix des sœurs tisseuses. Tu peux noter ça comme déjà vu. Mais je suis mort. Ça me fait une belle jambe. Mais il retourne dans la bouche, dans sa bouche. On ne veut pas de toi ici. Tu sais intuitivement que... La voix des tisseuses ou des sœurs tisseuses? Des sœurs tisseuses. Cette araignée n'est pas une araignée des frondaisons. C'est le véhicule de l'âme de ton compagnon. C'est ton ami qui a revêtu cette forme pour échapper au venin de l'araignée des frondaisons. Je sors mon poing et je tape dans le ventre du cadet pour voir s'il est encore vivant. Ah, j'ai cru que t'allais le taper du bois, je te redonne un coup dans le ventre, ça va te réveiller. J'ai le droit de parler? Oui. Bah oui. Mais ta voix est toute fluette. Toute petite. Désolé. L'araignée monte sur toi. La petite araignée, tu la prends dans ta main, puis là, s'agite et tu l'entends. Quitte à être mort, autant que vous récupériez ma viande noire. Mais j'ai perdu. On a perdu ton arme. C'est embêtant. J'ai vraiment une voix de. Parfois, c'est... C'est embêtant. Pardon. Il t'a dit qu'il connaissait la voix. le chemin. Le chemin à la mort, ouais. Repose de Tartérie. Donc, okay. Tu connais tout le détail de cette tranchée. Tu sauras les amener entre les pièges à ours que redoutait l'araignée des frondaisons. Et les mines. Ah, il y en avait ? Les mines à charge létale. Oh, je sortais quoi, moi ? Alors, en fait, non. Je pensais juste pas qu'il y en avait à cette période. Il y a des mines à effet posées par les ingénieurs communards redoutables. C'est quoi le boulot des ingénieurs ? Tuer des gens. C'est des mines nucléaires. Non, on va dire que c'est plutôt efficace. Des mines. Mais ça fait beaucoup de dégâts. Redoutables néanmoins. Et le corpuscule. Ce bébé des cocons, cette génération spontanée, mais comment t'as fait lui, cet enfant, victime de l'araignée, violeuse d'hommes qui pond des clones, elle te guide, elle vous guide, toi et ton ami né des astres, jusqu'à l'échelon suivant. Vous remontez gaillardement la travée et vous coulez dans la nuit avec le ballot de viande noire sous le bras. Ça me semble une assez bonne conclusion, non ? Je sais pas. Marie, comment te résous-tu à voir ton compagnon qui était Gaëtan, réduit à cette victime propiatoire de l'araignée des frondaisons. Est-ce que tu t'y résous seulement ? Ou penses-tu qu'il y a moyen de lui redonner vie ? Vous disposez tous et toutes d'un pouvoir de réflexion et vous avez le droit d'influer, de nourrir sa réflexion. Mais en revanche, c'est elle qui répond et qui choisit dans vos suggestions. Ça t'inclut également... Non, j'attends déjà sa première proposition avant de commencer à coller. Du coup, résumons un peu la situation. Quelle est la question ? Il y a un chrono qui est parti. Je m'en doute bien. Quelle est la question ? Comment est-ce que c'est possible ? J'ai noté l'heure, vous avez jusque 49 précisément. Oui, donc, Alexandre, okay. Je te laisse reformuler la question avec tes mots. Est-ce que on peut te remettre dans ton corps, te redonner vie dans ton corps d'origine ? Donc la question implicite, c'est est-ce que cette forme d'araignée, c'est pas la matérialisation de mon esprit ou de mon âme ? Parce que du coup, ça sous-entendrait qu'on peut le remettre quelque part, donc pas que j'ai migré de corps. Je peux te suggérer, je te donne une piste. On a noté des éléments sur vos feuilles de personnage. Là, on a mis en œuvre à chaque fois des éléments qui étaient sur votre feuille de personnage. La réponse, c'est trouver une perle. Là, vous avez perdu un point de karma parce que... Bonjour. Parce que... Gaëtan a trouvé son trépas auprès de l'araignée des frondaisons. Elinan a mis en œuvre son pouvoir. Il a consommé une perle. Et moi, j'ai rien fait. Oui. Justement, c'est ton moment de gloire. C'est l'idée. Sauf qu'on a le droit de t'aider dans ta réflexion. Tu peux utiliser un déjà-vu. Oui, j'en ai pas. Ou tu peux... entreprendre un rituel, mais à ce moment-là, ce sera un élément qui sera résolu dans les actions, où tu peux évoquer un fait. Là, j'ai neutralisé une minute, on est à 50, parce que j'expose les compléments. Oui, t'inquiète pas. Neutraliser un fait, ou tu peux recourir au cut-up pour t'aider. Mais si tu recours au cut-up, c'est comme si tu recourais à un déjà-vu. Tu consommes une perle. Donc, en gros, Est-ce qu'on peut en mettre mon âme dans mon corps pour caricaturer? Mais les éléments de réponse peuvent se trouver sur vos feuilles. Oui, mille vos mantras, soit sous forme de souvenirs. C'est la même chose qu'un déjà vu. Niveau sève, non? Aussi. Non. Pas au niveau sève. Pas au niveau sève. Eh bien, comment? Tu as quoi comme déjà vu? D'accord. Tu as quoi du coup dans la première fiche? Dans la première partie? La première section? Le premier carré? Oui. Oui. T'as quoi dedans? Bah. Ton nom, ton. C'est quoi ton idéal collectif? Repousser les ombres, j'imagine? Les ombres. T'as pas de lien? T'as un totem? Oui. C'est quoi? L'abeille. Là? L'abeille. L'abeille? T'as un objet? Bah oui, ton galet, si j'ai bonne mémoire. Oui. Ton occupation? Pas renseigné, je crois. T'as peur? C'est quoi? Les araignées, justement. Tu es une araignée, comment veux-tu? Une hypothèse, ça peut être. Tu pouvais pas être autre chose. L'âme est vue par les autres par leur peur. Car comme vous, c'est inconnu pour vous, vous le verrez au travers de vos peurs. Tu vois mon hypothèse foireuse? Oui. Je précise bien le mot foireux. Hein. Oui, je sais. J'ai pas vraiment mieux à proposer. Hein. Moi, j'ai pas d'idée. Alors. Donc, est-ce qu'on pourrait la remettre? Bah, si on part du principe que cette araignée, c'est mon âme. Bah logiquement, vous la verrez à travers le prisme de votre peur. Du coup, vous me voyez en tant qu'araignée. Alors que si ça se trouve, si quelqu'un a peur des girafes, il me verra en girafe. Sauf que bah une âme, ça n'a pas une grande capacité. Déjà, le fait qu'elle ait survécu, c'est pas mal. Mais du coup, j'imagine que je serais une girafe miniature. Pour rester logique. Après, si ça se trouve, si sa peur, c'est le trombone, je serais un trombone qui bouge et qui parle. Hein. Avec des yeux. Pas forcément, hein. Mais bon, ça peut être comme. Un stickman. Ce qui voudrait dire que pour nier sa condition de peur, qu'est-ce qu'il faudrait? Affronter sa peur. Oh non! Mais comment si quelqu'un a peur de stickman. Attends, je vais caresser une araignée. Si c'est ta peur et que tu la vois au travers de ta peur, comment nier ta peur? Comment est née cette araignée devant toi? Je suis légèrement fait trucider par une araignée. Non, mais comment est née cette araignée? Comment vous l'avez vue émerger au monde? Quand vous avez trucidé l'autre araignée? Elle est sortie de sa bouche. Ouais. Voilà. Alors. C'est bon les araignées? Nam. En fait, il avait deux dents. Tu te confrontes à tes répugnances et tu avales. Non, je veux pas manger des araignées, s'il vous plaît. Quelqu'un a vu déjà la tête d'une araignée? Pourtant, la réflexion, ça te mènerait là. L'une des sorties possibles. Alors, quelle serait l'autre? Je sais pas, l'autre sortie, c'est pas forcément d'avaler l'araignée, mais d'accepter l'araignée, purement et simplement. En apprenant à vivre avec. Ce qui est une solution. Je t'écoute. Vivre avec n'avait aucun sens. Il faut que tu me donnes une réponse. Si tu me donnes pas de réponse. Tant pis. Alors? Je l'avale ou je l'avale pas? Il n'y a pas que avaler. Hein. Moi j'ai dit peut-être que ce que ça te demande, je c'est de savoir. Je l'accepte dans ma vie. C'est savoir vivre avec. Voilà. Peu importe comment. Oui. On s'en fout. Hein. Voilà. Vivre en tant que poisson rouge, ça me paraît très bien. Hein. Donc toi tu te vois comment en vrai? Ah bah je ne sais rien. Il l'a pas évoqué. Tu l'acceptes? Hein. Oui. Tu te rayes la peur, tu renonces à cette peur, tu surmontes cette peur. Je peux. Tu la rayes. Il va falloir t'en trouver une autre. Je n'ai plus de peur. Si, il va falloir t'en trouver une autre. La peur du vide. Moi, j'ai rien marqué en peur. Hein. Faudrait. Oui. Mais non, c'est ça peut être mis en jeu justement. Mais là, tu vois, c'était une ressource. J'ai pas d'objet fétiche, j'ai pas d'occupation. tu l'as fait hors temps. Oui, en fait, on l'utilise assez souvent, ce ressort scénaristique. C'est comment ? C'est... Tu l'as fait hors temps. Oh non. Pourquoi j'ai pas été... Du coup, pour caricaturer, est-ce que tu as déjà vu Doctor Who ? Non. Merde, c'est quand même l'exemple le plus flagrant. Et là, je considère que vous avez, comme le suggérait Mathieu, on est sur... Je vous propose de faire une ellipse. Et de dire que la suite sera au prochain épisode. Vous avez surmonté l'araignée. Non, en fait, c'est surtout... Et on passe au bilan à chaud de cette partie. Il me semble qu'Alexandre est plutôt couche-tôt et que Xavier, là, il a l'air un peu fatigué par la séance. Donc... Je suis content, j'ai plus peur de l'araignée. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà. Donc, déjà, j'étais en train d'essayer d'expliquer le concept qu'on venait d'élaborer. À l'instant. Donc le but en fait c'est un peu comme Doctor Who, mais t'as pas vu Doctor Who. Donne-moi des noms de séries que tu regardes, comme ça je peux essayer de retrouver une où je connaîtrais pour te trouver une scène quelconque. Non bon, attends, je vais te le décrire, ça sera plus simple. En gros, t'as un personnage. Oui. Et quand il s'apprête à subir un événement dont il y a une seule échappatoire possible, eh bien mentalement, on va voir toute une scène se dérouler qui va durer par exemple 5 minutes où c'est lui tout ce qu'il va penser pendant la seconde avant l'événement. D'où c'est un peu une réflexion hors du temps. Parce que il a réfléchi pendant 5 minutes. T'as l'impression qu'il a réfléchi pendant 5 minutes dans sa tête. Mais en réalité, il s'est écoulé une seconde. Là, c'est le même concept. Ton personnage a réfléchi pendant 5 minutes, mais il s'est écoulé un certain temps. Donc il s'est écoulé de... une seconde et demie. Par exemple, peu importe. Là, il s'est... Ce qui s'est... Voir dans le jeu, temps. C'est une fraction de seconde, mais tu avais 6 minutes, hors intervention de ma part, tu avais 6 minutes pour résoudre la situation. Si tu ne résolvais pas la situation dans les 6 minutes, ce qui s'est produit, est-ce que tu as émis ton hypothèse hors temps ? Oui. Vous avez écopé d'un point de karma. Du coup, moi, je veux, juste avant le bilan, rapide. Ce que j'ai appelé le pas sur le côté, c'est la réexploitation d'un concept dans une histoire de... C'est tout l'arc par rapport à l'univers développé autour d'une histoire qui s'appelle La Quête des Whelan, écrit par Pierre Bottero. C'est un roman jeunesse en soi, mais bon, ce concept m'a plu, donc je l'ai réutilisé en le réadaptant. C'est pas le truc original, hein. C'est juste... Bah, il a un nom à peu près correct, et je vais pas décrire le truc sur 50 lignes alors que j'ai qu'une ligne. Mais j'essaie de l'adapter à Milvaux pour qu'il soit à peu près réaliste. Donc, j'ai évoqué les conditions d'utilisation tout à l'heure. Et bah, maintenant, le bilan, du coup. Alors, donc, tu as évoqué cela, et... Je l'ai pas exploité. Et tu m'as... Non, ouais, je te l'ai... Oui, tu m'as dit que je ne pouvais pas l'exploiter. Oui, mais c'est parce que... En fait, quand tu as, il y avait deux choses. Tu avais dans la résolution, c'était une réussite douloureuse. Donc la réussite douloureuse, ça veut dire que ton coup porte n'est pas comme tu le voulais. Ouais. Mais contre coup, tu es confronté à la tête des douleurs. Tu as eu un résultat maximal. Voilà. Donc la mort. Enfin, douleur importante et en plus de tirer le tarot mort, donc la mort, l'âme pardon. L'autre effet, quand tu as un de marge d'échec, c'est que tu acquiers un nouveau pouvoir. Non, c'est pas logique. Ah bah si, tu me l'as donné, je suis con. Exactement, c'est... Ah bah du coup, oui, mais c'est normalement... logique qu'on perde un point de karma. Non. Tu l'as pas mis en... oui, tu l'as mis en œuvre après, pardon, effectivement. Voilà, donc... C'est pour ça que j'avais fait ce mouvement. Oui, non, mais du coup, c'est logique qu'on perde un point de karma. Donc... Maintenant, j'en reviens au débrief, parce que là, j'ai expliqué les deux trois concepts que j'avais repoussé, dont j'avais repoussé l'explication plutôt. Donc la séance m'a plu, c'était intéressant, du coup, t'as une explication toute trouvée pour justifier mon absence aux éventuelles prochaines séances que vous faites. Non, parce que la mort. Oui, je sais qu'on joue hors du temps comme d'habitude avec Milvaux, mais. Non, mais au cas particulier, ça veut dire que c'est la mort dans du. Mais tu oui, reviens. C'est ça, mais je veux dire. C'est... Il va revenir sous une autre forme. T'as dit il que tu acceptes. Tu vas rester en araignée toute ta vie ? Par que exemple. Tu acceptais sont mais ce... ça, que tu acceptais que c'était une peur qui te l'avait fait voir comme ça. Voilà. C'est son âme qui t'a visité. Ce qu'on a évoqué, c'est que mon âme prenait la forme de ta peur. Du coup, logiquement... Ah mais logiquement, il est censé prendre peur des araignées, Xavier. C'est peut-être méchant, mais il est censé... Moi, je pense que ce serait une bonne chose que tu te notes comme peur, peur des araignées, Xavier. Parce que logiquement, s'il m'a vu en araignée, selon sa théorie, il prend peur des araignées. Non, mais il a eu peur, effectivement, pas, de, pas de toi, mais de... Oui, de non, mais... l'araignée des frondaisons. Ce qui explique qu'il m'ait vu en araignée, d'autant donc, plus. Techniquement, je le vois comment alors ? Bah là, là justement, ce sera défini la prochaine fois. Non ? Ah, tu veux le définir ? Tu vas me le dire. Comment te représentes-tu l'âme de ton compagnon ? Et en fonction de comment tu le définis, ça définira ta peur. Ta nouvelle peur qui devient ta peur majoritaire. Vu que t'as éliminé celle de l'araignée. Sinon, je le verrai plus. Bah si. Ah bon ? Tu vois par exemple. Qu'est-ce qui est pour... Quelle est sa nouvelle... quelle forme a pris désormais qui venait ? Par exemple, ça peut être tout simplement le bord d'un pont. Genre, attends. Je peux être un bord de pont. Je m'explique. Je suis pas, je suis pas forcément obligé de bouger, hein. Je suis une âme après tout, on l'a dit. C'est dégueulasse et c'est fait à l'arrache, mais t'as l'idée. Je sais pas si t'as le vertige, mais ça, ça peut faire peur. C'est un pont. Genre, c'est un pont brisé. J'ai compris. Là, c'est le brisé. Ah, c'est bon, j'ai compris. Voilà, l'idée, c'était que je ressemble par exemple à ça. Alors oui, c'est un truc fait à l'arrache. Mais c'est tout petit. On l'a dit. Simplement, tu peux considérer que, puisque tu nous as expliqué que tu surmontais ta peur, donc c'est pas définir ta peur qu'il convient de faire, mais plutôt de dire... quelle était sa vraie consistance une fois que tu as surmonté ta peur. C'est plus intéressant que d'essayer de me définir avec une nouvelle peur. Quoi ? Bah, occupation Shifumi. Oui, non mais, t'es complètement hors contexte. D'accord. Mais noté. Noté, ouais. Du coup, je ressemble Alexan. À quoi ? C'est toi qui définis. Ouais. Je peux être ce que tu veux, là, en l'occurrence. Dit comme ça, ça fait très bizarre, mais t'as compris l'idée. Il n'a plus sa condition d'homme. Il a été terrassé. Maintenant qu'il a été terrassé, son âme a pris quelle forme ? Si ce n'est pas celle d'une araignée. Parce que tu as surmonté, tu as dit qu'il tu voulais qu'il réintègre... Alors, ça veut dire qu'il est... Il a un aspect altéré par la piqûre de l'araignée. Je sais pas. C'est toi développer. Qui choisis, là. Je peux dire un truc au hasard. Pas un forcément Pikachu. Au hasard, mais ça peut être ce que tu veux. Ça peut même être inspiré d'une série, d'un film, d'un truc que t'aimes bien, si tu veux. Je sais. Du moment que ça paraît à peu près logique. Enfin, genre, si tu me dis que je ressemble à la Tour Eiffel, on va se poser des questions. C'est possible, hein, sur ce qui, soit sur les éléments de ta feuille, soit sur ce qui a été évoqué dans la fiction. Par exemple, là, je viens de dire que je prenais la forme des peurs. Donc, si je suis un truc qui prend la forme de quelque chose... Qu'est-ce qui est facilement malléable dans la plupart des séries ? Un gaz, voilà. Ça peut être ça. Ou tu peux chercher autre chose. Tu es un gaz, voilà, c'est bon. Ça ira vite. Allez, hop, voilà. On va laisser passer. Un gaz toxique ? Non, toxique. Pas forcément toxique, mais quand je parlais de gaz, c'était une... Fumée, un truc comme ça. Boule de gaz qui prend une forme quelconque. Et il a... C'est un exemple, tu choisis ce que tu veux. Il sera un ectoplasme maintenant ? Voilà, c'est ça le terme. Voilà. Yes, Ghostbusters. Et tu te refusiez à considérer la brume qui s'était formée autour de son corps au milieu des miasmes et des insectes comme la nouvelle condition de l'ami Gaëtan. Mais Gaëtan est désormais n'est plus qu'une âme errante, n'est plus qu'un gaz, il n'a plus de corps. Une âme errante. Du coup, on peut même pas dire RIP, je repose pas. Votre... Repose pas en paix. Yes. Vous avez abandonné sa poupée. Vous avez abandonné son écorce. Non. Mais... Tu peux être la poupée ou être un écorce comme tu veux. Ah oui, c'est une ça peut être une solution. Hein. Ce serait mignon une petite poupée qui bouge. Vas-y. Ce serait très glauque, ouais. J'aurais peur, moi, mais bon. Hé, hey, salut, je suis... Je suis une poupée. Mais c'est mignon, regarde. Serait-il le Rin Tintin ? Bien sûr. Ou son âme. Oui, d'accord, ça serait comme bien. Comme Choupi, okay. La petite Choupette. Ce qui veut dire qu'il faudrait que tu ailles récupérer. De Choupi, quoi. Ça veut dire que tu as conservé par devers toi l'écorce. L'écorce ou le Rintintin, selon ton choix. Le Rintintin. C'est bizarre. Ah, tu peux dire l'écorce, hein, t'as le droit. C'est toi qui choisis. Le Rintintin, mais parce que ça serait bizarre que tu sois une écorce, mais bon. Bah, ça peut l'être. Alors, par rapport à la fiction, ce serait plus logique, puisque, souvenez-vous, j'ai précisé que du cadavre, le peu de chair... Ah oui, une écorce. C'est le morceau d'écorce qui tripotait en permanence, dont tu t'es emparé, parce que pour toi, c'était ce qui symbolisait le plus ton ami, et donc tu vas te noter comme objet, l'écorce. Mmh. Et l'écorce, ça veut dire que l'âme de ton ami t'accompagne. D'accord. L'âme de Gaëtan t'accompagne. Chifoumi. T'es un tricheur. Je joue plus avec toi. Non. C'est toi qui a fait hop direct alors. Ah bah non, mais c'est ça. C'est. Regarde. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ouais, mais c'est comme. Au moment où Chifoumi. Tu vois, c'est. Au 4, normalement, soit tu fais 1, 2, 3 et tu. Dans ce cas-là, tu t'amuses. Ah oui, désolé. Non, mais j'ai pas le. Oui, désolé. Bah. Pour cette interlude, je te laisse continuer. Donc, on va faire le. Le débrief. Du coup, moi, ça m'a plu. J'ai hâte de rejouer et puis, bah, on verra quand est-ce que je reviens. Moi, ça m'a pas plu. J'ai hâte de rejouer quand même. Alors, ça t'a pas plu parce que tu as eu très peur. T'as eu très peur de l'araignée, effectivement. Oui. Enfin, tu savais pas de façon certaine si c'était une araignée ou tu t'imaginais que c'était une araignée. Je m'imaginais que c'était une gigamigale. D'accord. Une gigamigale. Conclusion, ne pas lui montrer le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux sur certains passages. Voilà, elle voit les passages. Des passages. Voilà. Je m'en souviens toujours, c'est justement ça qui me fait peur. Genre au moment où il est enfilé comme un saucisson sec. Oui. L'histoire de Sam. Ah oui. Et qu'est-ce que fait Sam? C'est Sam qui sauve son... Oui. C'est Sam ou c'est Frodon qui... avec Dar... Il me semble que c'est Sam qui va sauver Frodon. Oui, parce qu'il est... Justement, c'est l'un des seuls moments de gloire de ce pauvre Sam. C'est le brave jardinier qui a peur de tout, qui va affronter Shelob. Bon. Donc. Arrêtons de parler de ce qui fait peur. Non mais du coup, le ressort dit Alexandre maintenant. J'ai bien aimé la partie. C'est l'ambiance, elle était fluide pour moi. J'ai pas eu trop peur. Je me suis sentie concernée et j'ai hâte de rejouer. Voilà. Ok. Ton truc, je pense qu'il le fera par écrit comme d'habitude, sauf si tu veux le faire moi. Alors je sais pas si je diffuserai ou non le compte rendu audio, je verrai sa qualité. Mais au moins c'est pour moi une prise de notes. Bah. Donc j'ai joué sans préparation en pure émergence. J'ai utilisé une date de l'almanach. En l'occurrence. On l'avait pas vu. Piège de toile, bébé dans les cocons, génération spontanée, moi, tes enfants, victime de l'araignée, violeuse d'hommes, qui pond des clones. Donc. J'ai trouvé que bah en fait ça s'est inséré parfaitement dans la fiction. Par ailleurs, le tirage des lames du tarot racontait à peu près la même histoire. Le placement des lames racontait la progression narrative et ce qu'il advenait des personnages. Même si je dis que j'avais pas de préparation, J'ai quand même... j'avais envisagé une histoire qu'on n'a pas du tout jouée. D'accord. J'avais envisagé une séance à mission. Et donc, celle que moi j'avais envisagée, c'était plutôt vous alliez cambrioler Anatole. Cambrioler ? Mais on a choisi l'inverse. Et vous avez choisi d'aller dérober la bande noire. Oui, c'est pour ça que t'insistais légèrement au départ. Les deux présentaient égal. Moi j'étais plus pour voler. Moi je voulais tout ce que je voulais, c'était acheter avec de l'argent. Alors il n'y a plus vraiment d'argent, mais on peut imaginer qu'il y en ait. Alors je vous remercie.